Ils étaient partenaires dans le crime. Maintenant, ils sont ennemis intimes. À ma gauche, lapin crétin, grand maître épéiste. À ma droite, Mignon fraise, mage incandescent. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Cet épisode est sponsorisé une fois n'est pas coutume par un vrai sponsor. Enfin bon, c'est compliqué. C'est-à-dire que je vais te faire la pub d'un vrai truc qui existe vraiment, mais en même temps, la personne m'a rien donné, m'a pas soudoyé du tout. Je vais juste en parler parce que je trouve ça cool. Et donc, voilà, je peux pas donner, je peux pas contribuer financièrement au projet de la personne parce que je suis pauvre, mais je voulais soutenir d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est pour ça que je voulais te parler. Du JD Hardcore. Le JD Hardcore, mais qu'est-ce que c'est? Ah bien, c'est un tout nouveau genre musical qui a été inventé par Augustin du Bazar des Fées. En fait, Augustin est une fée qui va te composer en fait des musiques pour tes personnages de jeux de rôle. Donc, je trouve l'idée vraiment, vraiment cool. Enfin, tu sais mon intérêt pour la sonorisation des parties de jeux de rôle. Et ben, c'est vrai que ça peut être vraiment une bonne idée. Ben, si tu as envie de te faire plaisir, tu vois, tu vas demander à Augustin de composer une musique pour ton personnage préféré de jeu de rôle. Tu peux offrir ça aussi à un ou une de tes amis rôlistes. Ben, ça fait un super cadeau d'anniversaire. Voilà, cadeau d'anniversaire, la bande originale de ton perso, quoi. Et ou tout simplement, ben, en tant que groupe, en tant que table de JD, on peut se faire plaisir collectivement. Là, on se lance dans une grosse campagne. On est motivé, on veut garder cette motivation, ben on va marquer le coup, on va commander la musique de tous nos personnages. Tu verras un peu sur le site de JD Hardcore, il y a déjà plein d'exemples de personnages. On voit que visiblement, si tu veux, Augustin, à mon avis, elle va discuter longuement avec la personne pour essayer de bien cerner son personnage, quels sont ses enjeux, ses mots-clés, l'ambiance, le mood. Et donc, elle va composer vraiment une musique. Je pense tout à fait adapté au personnage qui est vraiment personnalisé. Alors, je dis ça de mémoire, mais je crois aussi que, eh bien, elle peut faire plusieurs remixes de la musique de ton personnage, tu vois, selon différents moods, épique, triste, dramatique, tension, tu vois, donc des petits rappels musicaux qui va bien. Et là, vraiment, on va se dire, ça y est, notre campagne de jeu de rôle, c'est vraiment un film, une série Netflix. Voilà, franchement, moi je t'invite vraiment à t'intéresser au travail d'Augustin hein, sur Bazar des Fées. Le JD Hardcore, franchement, n'hésite pas à rentrer en contact avec elle bah, pour savoir si il y a moyen d'avoir une musique voilà, pour ton perso préféré. Hein, bon, bah, t'as envie qu'il y ait une musique de Lapin Crétin Corps pour ton perso? Voilà, c'est validé par Boba. Tout de suite, eh ben, on va parler du sujet. Voilà, ça me permettait aussi d'amener un petit peu le sujet d'aujourd'hui. C'est que, est-ce que on est pour ou contre le PVP, le player versus player? Alors, le player versus player, bon, je pense que tu connais, hein, mais grosso modo, c'est quand, si tu veux, on a tendance à dire que globalement, une partie de jeu de rôle, c'est coopératif, c'est-à-dire que les personnages forment une équipe soudée, avec un objectif commun, avec une adversité commune, et voilà, on est en équipe, je dirais pas contre le MJ, mais contre bah, le scénario du MJ, quoi, en gros, enfin de MJ quand il y a un MJ. Mais il y a des situations de PVP où en fait, les personnages ils vont s'affronter les uns contre les autres, ça peut être soit du PVP vraiment ouvert, style c'est un battle royal, ou du PVP un peu feutré, c'est-à-dire qu'officiellement les personnages sont dans la même équipe, mais ils vont se faire des coups fourrés en douce, et puis peut-être qu'à un moment ça va vraiment péter, ça va finir en duel, voilà, au sabre, au clair de lune. Alors pour te parler un peu de ce sujet, moi je vais te commencer par une petite anecdote qui m'est arrivée en fait. Quand j'ai fait une de mes premières conventions de jeux de rôle, c'était à Mulhouse, c'était il y a plus de quasiment 20 ans. Et donc j'ai fait une partie de Cyberpunk. Et donc on était un groupe à faire un run, je sais plus du tout, c'était quoi l'objectif du run. Mais toujours est-il que moi je jouais un agent infiltré, c'était mis sur ma feuille de personnage. Bon bah voilà, en fait, en vrai, tu fais partie de telle agence et tout. Et tu vas trahir les autres en fait au bout d'un moment quoi. Mais ce que j'avais pas compris en fait, c'est que tout le monde avait à peu près le même speech sur sa feuille de personnage. C'est-à-dire que en fait tous les personnages faisaient partie, étaient des agents infiltrés, des agents doubles qui venaient d'officines concurrentes. Et donc moi, pensant être le seul traître, j'avais l'impression que personne n'avait capté tout ça, que j'allais pouvoir un petit peu gruger tout le monde. Et puis en fait, je me suis fait descendre comme une fleur à la fin du scénario par mon coéquipier. Et vraiment, j'en étais tout étonné. J'avais déjà fait du PVP avant, mais je trouve que c'était ma première confrontation vraiment très très globale avec ce que ça pouvait représenter le PVP. Donc, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, je pense que c'est toujours des expériences un petit peu hors normes. Et honnêtement, je vais te dire, oui, on peut trouver le PVP relou, voire malaisant. Moi, ça m'arrive souvent que ça me gêne. Et étonnamment, ça me gêne surtout en fait quand je suis MJ. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu de mal actuellement hein, quand mes persos quand je vois la table se s'entre-déchirer. Et donc, je pense qu'il faut considérer que ce PVP, il doit pouvoir être interdit à ta table, quoi. Ou en tout cas, on doit pouvoir le tempérer, soit par le contrat social, soit avec de la sécurité émotionnelle. Pour moi, c'est un sujet qui doit faire. Il doit y avoir une modération là-dessus, quoi, au sein de la table. Après, bien sûr, bah, c'est une question de goût personnel et puis un peu de trigger personnel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont vraiment du mal à gérer la trahison et ce mode de conflictualité. Donc c'est normal d'en tenir compte, quoi, et peut-être un peu leur épargner le PVP. Pour moi, si tu veux, il y a des cas où le PVP c'est strictement négatif, ça pose toujours problème et il faudrait vraiment toujours l'éviter. Ah, bien sûr, c'est que mon avis, mais voilà, je te le donne, de toute façon, si je suis là pour ça. Premièrement, c'est si une joueuse, en fait, elle se sert de son perso en vrai pour agresser les autres joueuses ou pour leur nuire, quoi. Typiquement, mon personnage va faire des agressions sexuelles sur ton personnage, ou ce genre de truc, ou enfin, grosso modo, je vais agresser ton personnage, mais c'est parce qu'en fait, je vais avoir une emprise sur toi dans la vraie vie, tu vois. J'ai besoin de t'agresser toi dans la vraie vie, alors je le fais de façon un peu tamponnée, mais on est d'accord que c'est quand même, c'est jamais neutre, c'est jamais tout à fait neutre, hein. Il y a une notion peut-être vraiment importante à retenir pour cette vidéo, c'est la notion de bleed, c'est-à-dire que de contamination des émotions. Les émotions de ton personnage vont te contaminer, et tes émotions de joueuse vont contaminer le personnage, enfin, veut pas, quoi, c'est un truc qui arrive, quoi. Et du coup, bah, quand il y a du PVP, c'est difficile de dire que c'est toujours que c'est que de la fiction, ça va affecter les personnes dans la vraie vie, quoi. L'autre cas où c'est vraiment, je pense, toujours négatif, le PVP, c'est la personne qui joue son personnage à fond. C'est-à-dire, voilà, je joue ce qui est sur ma feuille de personnage, je joue ce que j'imaginais de mon background de personnage, je joue ma quête personnelle, mais sans se soucier de la paix sociale de la table. C'est-à-dire, voilà, moi, je vais traverser l'intrigue comme un bulldozer, je vais m'en tenir à mes objectifs, et si ça doit impliquer de faire du mal aux autres persos, ou qu'il y ait une mauvaise ambiance à la table, c'est pas grave, je le fais, quoi. Parce que je joue mon personnage, et c'est ça qui est sacré, en dehors de toute considération, bah, notamment de contrat social. Donc voilà, ça pour moi, c'est à proscrire. Et pour finir, autre mode, c'est alors, pour le coup, c'est vraiment du PVP, c'est joueuse versus joueuse, et non pas personnage versus personnage, c'est la coopération toxique. Ça, si tu connais un peu League of Legends, tu dois avoir une idée c'est quoi la coopération toxique. Et donc, on pourrait imaginer aussi en jeu de rôle, par exemple, une team de Donjons et Dragons, ils sont tous là pour réussir le donjon et tout, mais on va s'engueuler parce que, oh ouais, pourquoi t'as lancé sort là alors que t'aurais dû lancer sort là, là tu m'as pas couvert et tout, pourquoi t'as pas tanké, pourquoi t'as fait tel move et tout, pourquoi t'as pas de chance au dé. Enfin, tu vois, on va un peu se traiter de nuls les unes les autres. Voilà, même si nos personnages collaborent en tant que joueuses, en fait, on est dans une relation toxique. Donc ça, pareil, à ban total, hein, si tu veux mon humble avis. Ah, attends. J'ai un appel, désolé. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, comment ça va? Hein? Tu veux te désinscrire du club de jeu de rôle? Pourquoi? Trop de charge mentale? Non, mais attends, réfléchis bien. Le jeu de rôle, c'est bien pour ta santé mentale. Non, tu dois continuer à faire du jeu de rôle. Et ça a vraiment plein de vertus. Ça ralentit la chute des cheveux. Ça augmente le taux de globules blancs. Ça peut faire revenir l'être aimé en 48 heures. Et puis, encore, je t'ai pas dit. Bip! Bon, il y a une ambiance un peu bizarre dans mon club en ce moment, mais c'est pas grave. Ouais, ok. Qu'est-ce que je disais? Ben, en fait, donc là, j'ai un peu dit les différentes sortes de PVP qui me semblent inacceptables. Après, si tu veux, il y a des PVP qui peuvent être acceptables ou non. Ça, c'est selon toi, selon ton avis. Je vais t'en, donc, tu vas voir que c'est vraiment contextuel à chaque fois. Le premier, c'est la compétition tactique. C'est-à-dire que grosso modo, bah voilà, en fait, c'est-à-dire que soit on est les personnages coopèrent, mais l'idée c'est de savoir qui va avoir le plus de pecs, qui va le plus briller, avoir le plus de pièces d'or, tout ça, machin. Ou les personnages carrément, on est en battle royale, en opposition, mais dans le sens d'un jeu tactique presque comme un jeu de plateau, quoi. Donc on va faire, c'est vraiment honnêtement, si tu veux, ou alors que ça peut être de l'intrigue, de la politique, et ce réenquête fonctionne énormément comme ça. Et en fait, on est en compétition, mais voilà, c'est parce que sinon, il n'y aurait pas de plaisir tactique. Donc ça, c'est le premier mode qui peut être acceptable. Le deuxième, c'est on va faire du PVP, parce qu'en fait, le jeu de rôle est vu comme un espace de transgression. Donc voilà, on peut se dire, ouais, allez, c'est parti, on arrivera à tuer tout le monde, on peut faire les trucs les plus dark possibles, parce que voilà, on est là pour se défouler, pour expérimenter un petit peu du dark play, quoi. Il y a ça. Il y a aussi, voilà. Simplement, si on n'arrive pas à se mettre d'accord avec le groupe, on se dit, c'est dans la logique, mon perso. Là, il y a un moment, on est obligé de diverger. C'est juste logique, c'est dans la logique fictionnelle, et on y va. Et je dirais que c'est OK, justement, si c'est dans une logique fictionnelle, pas uniquement vouloir tenir à son personnage, mais que c'est au global, ouais, c'est logique, et que tout le monde est d'accord avec ça, quoi. Et puis il y a aussi simplement du PVP quand on n'arrive pas à prendre des décisions communes, tu vois. Ça, on a un groupe, mais on ne sait pas quelle est la meilleure décision prendre pour atteindre l'objectif et tout. Est-ce qu'on doit épargner tes prisonniers ou l'assassiner et tout? Enfin, il va y avoir comme ça des dilemmes, des conflits et tout. En fait, le fait de les trancher, les arbitrer peut être intéressant. Alors, ce qui peut être drôle aussi, c'est que tu as décidé de jouer à un personnage en fait qui est un boulet pour le groupe. C'est-à-dire qu'il n'est pas opposé au groupe, mais il fait beaucoup de gaffes, il prend des décisions pourries et tout, et il met le groupe dans la mise, voilà, plus ou moins involontairement, ou alors juste parce qu'il a un sens de l'humour décalé. En fait, c'est juste, ça peut être drôle, quoi. Également, beaucoup trouver, eh bien, si tu veux, la joueuse qui va jouer PVP. Eh bien, pour servir l'histoire, pour servir l'intérêt de l'histoire, pour servir le drama, parce que c'est une sorte de style qui est là, pour tout simplement pour servir l'expérience, parce que voilà, c'est vrai que c'est par exemple plus intense en fait de vivre du PVP que du PVE, joueur contre environnement, quoi, et donc ça va apporter plus d'émotion. On parle aussi dans ces cas-là, si tu veux, de CVC, ce qui veut dire caractère versus caractère, personnage contre personnage. Donc voilà, c'est-à-dire que les joueuses en fait jouent ensemble l'adversité entre leurs personnages. On joue de concert parce qu'on pense que c'est mieux pour l'expérience. Et donc on est toutes bien d'accord pour faire ça. Il y a pas mal de jeux sans MJ comme Inforenza, Fiasco ou encore Dream Rescue, je trouve qu'ils favorisent bien cette attitude. Et en fait, grosso modo, là, les PJ vont faire office d'adversité entre eux. Il y a même, si tu veux, des jeux où, en fait, si les joueuses ne jouent pas PVP, il n'y aura juste aucune adversité. C'est le cas du jeu Les Saintes, où en fait il n'y a pas de PNJ de toute façon. Donc si on veut de l'adversité, bah, ça va être entre PJ, quoi. Et donc ça fait partie du game. Et donc c'est aussi, finalement, c'est une forme de jeu au service. C'est-à-dire que je vais m'opposer à toi, mais au service de ton expérience pour t'apporter une expérience intéressante, tu vois. Donc on est vraiment joueuse avec joueuse et personnage contre personnage, quoi. Voilà. Et je vais reprendre le cas de la joueuse PVP qui est PVP parce qu'elle joue son personnage. Eh bien, tu as le droit de le faire si c'est accepté par le groupe. Bah, par exemple, si tu veux, dans ma campagne, la campagne COPS où je suis PJ en ce moment, au début de la campagne, y a, on vole l'argent du cartel de la drogue. Notre but, c'est de le brûler parce qu'on est des flics et tout, on fait une black op et tu vois. Et en fait, il y a un joueur qui décide de se barrer avec la moitié du fric. Et ce qui est clairement enfin, du gros PVP, quoi. Mais on a laissé faire parce que finalement, ça a fourni, si tu veux, une expérience intéressante. Il a fallu qu'on lui fasse la course à l'échalote, le convaincre de rendre le fric et tout. Et puis finalement, on l'a réintégré. Tu vois, ça fait des péripéties intéressantes. Puis c'est vrai que le moment où il nous dit... Ah ouais, moi j'ai pris la fourgonnette à la moitié du fric, mais je vous rejoins pas là où on avait prévu de se rejoindre pour brûler l'argent. Je me barre dans mon coin, quoi. T'es là, what? Mais quel est le fuck? Donc finalement, c'était mémorable. Donc, comme on a réussi à l'accepter en tant que groupe, bah, ce PVP a été bien digéré. Il a servi d'histoire, quoi. Pour finir, quelques petits conseils. Je pense que pour que ça se passe au mieux, ce fameux PVP. C'est évidemment prêter une attention toute particulière au débrief pour voir, pour tâter un peu l'ambiance, est-ce que vraiment ça se passe bien, est-ce que c'est accepté par tous, est-ce qu'on doit continuer dans le PVP ou est-ce qu'on doit se calmer. Tu peux même faire des débriefs intermédiaires pour vérifier que c'est bien OK. Si on doit se calmer sur le PVP, bah, je te conseille la méthode Fire and Forget, c'est-à-dire ton personnage que tu avais orienté PVP, tu vas prendre un temps entre deux parties pour le reconfigurer et essayer de trouver une motivation pour redevenir coopératif, quoi, sans que ça pète trop, on va dire, la logique fictionnelle, quoi. Et puis, toujours en cours de partie, faut pas, de toute façon, pas attendre les débriefs. Pensez aux petits signes gestuels. Typiquement, si tu es en train de faire des gros, voilà, des gros coups fourrés aux autres, mais que régulièrement, tu leur fais « ça va, ça va », puis que l'autre te fait comme ça, voilà, on s'est montré que vraiment, c'est, ça se passe vraiment entre personnages et entre joueuses, on est OK, on est sur la même longueur d'onde. Au signe gestuel, alors si vous écoutez en podcast, ça ne veut rien dire, mais c'est croiser les doigts. Voilà, c'est vraiment, je vais t'engueuler à mort et tout. Si je croise les doigts, ça veut dire que c'est mon personnage qui engueule le tien, mais en tant que joueur, je pense pas à un mot de ce que je dis, quoi. Voilà, ça permet, je pense, de bien huiler un peu tout ça, quoi. Et alors si on est en cas de PVP avec MJ, ben, l'arbitrage de MJ est vraiment important. Moi je dirais que, alors, faut pas oublier que des fois c'est MJ qui va pas avoir cette idée de PVP, aller voir une joueuse en aparté et dire ah ce serait pas mal que toi en fait tu serais la traître, hein. Ben, CF mon anecdote du début. Mais du coup, surtout si tu n'as qu'une joueuse qui est PVP, moi, je conseille à MJ de pas trop favoriser son personnage. Par exemple, de ne pas multiplier les solos avec le personnage pour qu'il ait le temps de poser des gros pièges à loup et prendre tout le monde de surprise, quoi. Donc, un peu équilibrer les chances, quoi. Alors, peut-être, effectivement, s'il y a une traître pour tout le groupe, je pense qu'il faut un petit peu gonfler ses avantages parce que sinon, elle va se faire éclater tout de suite. Mais il ne faut pas non plus lui donner carte blanche et maximiser à tout prix ses chances d'enfler le groupe. Parce que je pense que ça fait une mauvaise ambiance. Bah, là-dessus, voilà. Dans la vraie vie, évitez la compétition, bien sûr. Et puis, bah, je te fais des gros bisous. Tu m'évoques tout ce que tu en as pensé en commentaire. Ciao. Hop, on est éteint.